Bonjour mes frères et sœurs, et comme vous l'avez probablement deviné, ce matin, ça va être notre dernière vidéo sur l'Épître aux Philippiens. Et on va, en même temps qu'on va terminer, je vais prendre le temps de faire un petit résumé de ce qu'on a vu et de mettre une fin à ce merveilleux Épître que nous avons pris le temps de méditer ensemble pendant le mois de janvier et au début de février. Notre bon Père du ciel, comme nous sommes heureux, de te connaître, comme nous sommes heureux d'avoir ta parole entre nos mains, regardez ce que tu veux. Ô Père éternel, comme plusieurs, nous avons lu des milliers de livres dans nos vies peut-être, mais rien de comparable à ta parole, rien de comparable au contenu de ce livre qui révèle la personne de Dieu, ta personne. Donc, conduis-nous encore ce matin. Amen. Nous terminons ce matin cet épître qui a débuté par l'apôtre Paul qui décrit sa situation dans la prison. Mais pourquoi fait-il cela? C'est parce que Épaphrodite était arrivé avec des dons et des nouvelles de l'église de Philippe, que Paul connaît très bien, vu que c'est lui qui l'a commencé. On a vu ensemble qu'il l'avait fait avec Lydie, avec le geôlier et sa famille. Donc ça, c'est quelques exemples qui nous sont donnés, que c'est lui qui a mis le fondement à l'Église. Le fondement doctrinal de l'Église, c'est Paul qui le met. D'autres sont venus s'ajouter après, probablement. Timothée. Et vous, est-ce que Évodie était là? Est-ce que Saint-Tiche était là? Peut-être. Est-ce que Clément était là? Peut-être. C'est tous des noms qu'on a vus dans l'Épître. Mais c'est Paul qui a mis le fondement spirituel par l'enseignement, parce que c'était lui l'apôtre des gentils. Et je crois qu'après avoir reçu des nouvelles, il apprend qu'il y a une division dans l'Église à son sujet et à cause des persécutions qui est provoquée, qui est poussée, qui est alimentée par des hommes qu'on voit au chapitre 3 qui lui appellent des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis. Mais il dit, mes frères et sœurs, je suis dans la joie parce que ma situation a faites avancer ou progresser l'Évangile. Et même si je mourrai, c'est un gain. Mais si je reste, c'est bien. Parce que je vais continuer à vous instruire et à vous guider dans la foi. Mais en attendant que je vienne vers vous, il dit, regardez les intérêts des autres comme étant au-dessus des vôtres, ou prioritaires aux vôtres. Et là, on peut penser que qui parle au niveau très personnel, mais je ne crois pas qu'il va dans cette direction-là. On a vu ensemble. Il parle qu'on doit laisser faire passer les intérêts spirituels ou les intérêts de Dieu chez les croyants avant nos intérêts personnels, parce qu'il avait dit, ne faites pas un esprit de parti ou une vaine gloire. Mettez ça de côté et regardez les intérêts des autres comme étant plus important. Est-ce que je vais mettre de côté ma vaine gloire pour vouloir satisfaire la vaine gloire d'un autre? Ça ne changera rien, ça sera juste changer 430 sous pour une pièce. Mais dis, mets de côté tes intérêts personnels à toi pour les bien-être de l'Évangile dans la vie de ces gens-là, dans la vie des personnes que tu côtoies, dans la vie des chrétiens qui sont autour de toi. Ça ne veut pas dire que je dois me faire moine. Ça ne veut pas dire que je dois devenir une bonne sœur et de faire la vœu de pauvreté. C'est pas ça qu'il est en train de parler. Mais quand la situation se prête et que j'ai un choix à faire entre mon intérêt personnel et l'intérêt de l'Église, l'intérêt des frères et sœurs, c'est ça que je fais passer en premier. Et là, nous avons donné des exemples. L'exemple de Jésus-Christ avec son Père, Jésus a mis de côté ses intérêts personnels et il a rencontré les intérêts du Père. Il y a eu l'exemple de Paul. Paul dit, j'ai mis de côté mes intérêts pour pourvoir à vos besoins. Timothée a mis sa vie en danger pour pourvoir à vos besoins. Et Pavorotite est presque mort pour pourvoir à vos besoins spirituels. Ensuite, on a vu au chapitre 3 qu'il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Sondez les Écritures. Assisez-vous au pied de quelqu'un qui vous enseigne. Méditez les Écritures. Vous savez, quand Dieu a dit à Josué, « Je me cherche un serviteur pour remplacer Moïse. » Josué était rempli de crainte. Il dit, « N'aie pas peur. Mets en pratique. Médite jour et nuit la parole de Dieu. Mets en pratique ce qui est marqué dedans. Et tu vas avoir du succès. Tu vas réussir à faire ce que je suis venu te demander, de diriger le peuple à la place de Moïse. Hein? » C'est la même chose ici. Il dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et on a vu dans le chapitre 4, « Ainsi vous allez pouvoir demeurer ferme. Ferme dans le Seigneur. Ferme dans la vérité. » Si me réjouir, c'est dans le Seigneur, c'est dans la vérité. Demeurer ferme dans le Seigneur, c'est demeurer ferme dans l'Évangile, dans la vérité. Et comment est-ce que je vais réussir ça? Dans l'Église, avec des fidèles collègues, comme Paul dit, qui vont nous aider à avoir les mêmes sentiments dans le Seigneur, à continuer à croire ce que Paul avait enseigné. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ensuite, il dit, si vous voulez rester ferme, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il le répète encore une fois. Je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça va vous aider à rester ferme, à demeurer ferme dans le Seigneur. Et si vous demeurez ferme dans le Seigneur, mais vos noms vont être écrits dans le livre de vie. Si vous restez ferme dans le Seigneur, ça va montrer votre douceur ou votre patience jusqu'au jour où le Seigneur va revenir. Il dit, soyez doux, car le Seigneur est proche. J'ai dit que ça voulait probablement dire, soyez patient, car le Seigneur est proche. Ensuite, on a vu que la prière est un moyen. Il dit, quand vous êtes inquiété, priez, rendez des actions de grâce. Et le Dieu de paix va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il va vous garder ferme. Il va vous garder ferme. Priez, suppliez, demandez, faites connaître vos besoins, il va vous garder ferme. Ça va ensemble. Et c'est pas que vous priez pour un char, puis lui, il va vous garder ferme dans le Seigneur. Parce que vous priez d'être ferme dans le Seigneur, de demeurer ferme dans le Seigneur. Lui, il va garder vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Et ensuite, il dit, au lieu d'avoir ces pensées négatives, au lieu d'être inquiet, méditez sur ce que je vous ai appris. Pratiquez ce que je vous avais vu en moi. Imitez-moi. Imitez-moi. Et ensuite, il a dit, ailleurs dans l'Épître, imitez ceux qui nous imitent aussi. Les cléments, les fidèles collègues, les anciens qui sont là, qui suivent l'enseignement de Paul. Et on a vu hier, en fin de compte, les dons ont amené la joie de Paul et les dons ont fait la gloire de Dieu, ont amené de l'adoration à Dieu, emmener de la louange à Dieu. Il dit, vos dons sont comme un parfum agréable. C'est comme un sacrifice agréable, acceptable devant Dieu. Parce que vous le faites pour lui. Les Philippiens ne donnent pas à Paul. Parce que sans ça, ça ne sera pas agréable à Dieu. Si c'est agréable à Dieu, c'est parce que les chrétiens donnent à Dieu. Oh, frères et sœurs, quand vous donnez, ne donnez pas à un homme. Ne donnez pas à une organisation. Oui, vous allez le faire comme ça. Mais dans le fond de vous, donnez-le au Seigneur. Fait que peu importe si ça sort tout croche à l'autre bout, vous l'avez fait pour le Seigneur. Et le Seigneur s'est réjoui. Et le Seigneur l'a accepté comme un sacrifice, un parfum agréable à ses yeux, à son cœur. Et nous allons lire ensemble ce matin les quatre derniers versets de l'Épître. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Il met une fin à ce qu'il vient de dire dans quatre chapitres. Et il termine ça d'une façon magistrale en disant « À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Il dit « Tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis en train de faire, que ce soit dans la mission, que ce soit en prison, que ce soit dans les palais, que ce soit dans les... Peu importe, tout ce qui est fait, tout ce que vous allez faire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est important. C'est important. C'est la seule chose. Si ça ne fait pas la gloire de Dieu, ça fait la gloire de quelqu'un d'autre. Et si ça fait la gloire de quelqu'un d'autre, c'est péché. Et les chrétiens réussissent à faire ça pour la gloire de Dieu seulement parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Seulement parce qu'ils ont été régénérés. Les autres, comme les chiens, les autres, comme les faux circoncis, les autres, comme les mauvais ouvriers, et tous les noms que la Bible leur donne, ils le font pour leur propre gloire. Et ces péchés, ils vont être condamnés. Vous vous souvenez, Jésus a dit à plusieurs reprises pendant qu'il était sur la terre, il a dit aux chefs religieux, « Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas y croire non plus, parce que vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Vous cherchez la gloire des hommes. Vous faites toutes choses pour la gloire des hommes, et c'est pour ça que vous allez être condamnés. Mais si vous chercherez la gloire de Dieu, vous comprendriez qui je suis, et vous donneriez gloire à Dieu pour moi. » Faites ça, tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Il faut se le rappeler par son esprit en nous. Parce que la chair, qui est en nous aussi, veut, elle, se glorifier. Donc, on va avoir un combat là, entre la chair et l'esprit. La chair veut se glorifier. L'esprit de Dieu en moi me pousse à vouloir glorifier Dieu. Il va y avoir un combat là. Il va y avoir un combat. Mais la Bible nous a promis que l'esprit qui était mis en nous était plus fort que l'esprit qui était dans le monde. Ou dans ma chair. La Bible me fait une promesse que ce qui a commencé en moi, Dieu va le terminer pour sa propre gloire. On glorifie Dieu. On glorifie Dieu. Pour toutes choses. Et là, il dit, saluez tous les saints en Jésus-Christ. Tous les saints qui sont ici vous saluent. Communion fraternelle entre les frères et sœurs. Les saints vous saluent parce que vous êtes des saints. Et vous autres saluez les saints. Ailleurs, la Bible nous dit de ne pas saluer comme des saints ceux qui ne sont pas des saints. Il va dire ne les saluez même pas, afin de ne pas participer à leurs mauvaises œuvres. Ne saluez pas comme des saints les faux docteurs, les faux circoncis, les mauvais ouvriers. Ne les saluez pas comme des saints. Mais saluez les saints, et les saints d'ici vous saluent, pour démontrer qu'ils sont en accord, doctrinalement parlant avec vous. C'est une façon de dire, communiez les uns avec les autres, avec ceux qui ont la même foi que vous, et ceux qui ont la même doctrine que vous. Et il termine en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. La grâce de Dieu. Hein, la grâce de Dieu. Il dit que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit la source de votre travail chrétien. Que la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ, soit votre esprit. Plus je médite sur la grâce, plus je vis sous la grâce, plus je vis dans la grâce, plus je vais glorifier Dieu, plus je vais lui donner la gloire. Ça, c'est une fin à notre épître aux Philippiens. Il va avoir un arrêt, là. À peu près 3 semaines, 1 mois, il va avoir un arrêt. Et je prends un arrêt parce que je veux me préparer un peu pour le prochain livre, qui, selon ce que je pense maintenant, peut-être ça va changer dans les semaines qui viennent, mais pour le moment, je vais faire l'épître aux Romains. Et pourquoi je prends un arrêt? C'est parce que on m'a demandé de faire un mariage. Je vais célébrer un mariage, le mariage d'un de mes enfants. Donc, je vais me préparer pour préparer ce mariage-là, qui va avoir lieu au début de mars, 1er mars. Donc, je me prépare à cela. Je vais avoir du temps à investir là-dedans. Je vais avoir du temps à investir pour me préparer pour Romain. Donc, je vous reviens dans les premières, je dirais, probablement le 10 de mars. Et on va faire un autre bout de chemin ensemble, mars, avril, mai, et peut-être même en juin. Ça va aller, on va faire l'épître aux Romains. Mais ça, c'est mon dernière vidéo pour le moment. Donc, prions les uns pour les autres. Ceux d'entre vous qui avez du temps, je vous encouragerai à réécouter les 20 vidéos de l'Épître aux Philippiens. C'est important, quand on apprend quelque chose de nouveau, de le répéter aussitôt pour mieux s'en souvenir. Ou, prenez le temps de lire l'Épître aux Romains afin de vous préparer à ce qu'on va voir ensemble en mars. Notre bon Père du ciel, merci de tout ce que tu as fait dans nos vies pendant ce mois de janvier et une partie février. Et je peux dire que tu as pourvu à nos besoins. Comme Paul le dit, vaguez à l'œuvre de Dieu et Dieu pourvoira à tous vos besoins en abondance. Tu as pourvu à nos besoins. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.